aqui mesmo. Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de l'année 2025. Et bien sûr, normalement, on se retrouvera pour l'année 2026 avec plein de surprises, bien évidemment. En attendant, on va terminer cette année 2025 en beauté. Et comme il fait très froid dehors, croyez-moi, 2 heures de métal en fusion, ça va vous réchauffer le cœur, les oreilles surtout, et l'esprit, comme quoi on terminera l'année comme il faut. Ce qui nous attend ce soir, bah, comme d'habitude, des nouveautés au nombre de 4 dans des registres complètement différents les unes des autres. Et aussi, bien sûr, on se fera un hommage plus que mérité à l'Emile Motorhead qui nous a quittés maintenant. Il y a de ça 10 ans exactement, et comme le temps passe vite, on a l'impression qu'en fait, le groupe est en stand-by et qu'il va revenir. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, pour se réchauffer ce soir, eh bien, tiens, on va commencer tout de suite avec ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière. C'est-à-dire le live, le CD, DVD, enfin Blu-ray de Dream Theater, 40e live à Paris, donc enregistré à Paris au mois de novembre de l'année dernière, où Dream Theater donc célébrait ses 40 ans de carrière en faisant un petit survol. Il faut dire qu'avec la discographie quand même assez pléthorique du groupe, waouh, il y a de quoi tenir toute une nuit pour un concert quand même qui durait près de 3 heures, ou quand même des classiques. Et des morceaux un petit peu oubliés aussi, dans tous les styles, des morceaux bien progressifs et d'autres beaucoup plus rentres dedans, comme ce As I Am qui, à l'origine, ouvrait l'album Train of Thought, sorti en 2003. Et ben, pour commencer l'émission, je pense que ce sera pas mal. pas mal du tout pour commencer l'émission, n'est-ce pas? Donc, Azayem, extrait donc du 40e live à Paris. Donc, comme son nom l'indique, enregistré à Paris en novembre 2024, l'année dernière, donc pour les 40 ans du groupe Dream Theater. Voilà, c'était donc le morceau d'ouverture. On va se faire donc la première nouveauté de la soirée avec un groupe qui nous vient de la région parisienne, qui s'appelle Lying Down, donc l'aube qui ment ou l'aube qui s'allonge, c'est selon, c'est un jeu de mots poétique, voilà. Qui vient donc de ce, qui est un groupe qui existe donc depuis 2019, mais qui vient de sortir seulement maintenant son premier album, là, au mois de décembre, qui s'appelle Nothing Remains the Same. Donc, tout ça pour vous dire que, le groupe a eu le temps de faire mûrir ses compos. Donc, on est plutôt là dans un style rock, metal alternatif, grunge, très années 90, enfin, avec des choses très intéressantes. Donc, sur ce premier album. Ça vous dit d'écouter, de voir ce que ça peut valoir? Eh bien, on va se faire le morceau, donc code zéro de l'album Nothing Remains de Sem. Avec leur deuxième album Let the Silence Begin, c'était donc Lonely Nights, juste avant la première nouveauté de la soirée, donc venue de la région parisienne, le groupe Lying Down, et on s'est écouté le morceau Code Zero, donc extrait donc de leur premier album Nothing Remains the Same. Eh bien, maintenant, bah, tiens, place aux filles, maintenant, avec Kill the Princess, c'est leur nouvel album sorti fin novembre, de ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière, et écoutons le morceau, il y a 15 jours maintenant, qu'est-ce que je raconte comme connerie, avec Glass Ceiling. à la vôtre. Et ben c'est elle avec les Fallen Lilies qui vous souhaitait donc de vous en jeter un derrière la cravate, avec un petit extrait donc de leur dernier album Cran, qu'on a déjà pas passé pas mal d'extraits, parce que c'est vraiment très frais et très fun. Avant Fallen Lilies, Kill the Princess, c'est leur deuxième album Fire Within, et on a écouté Glass Sailing. Comme je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, eh bien, on va se faire un hommage quand même plus que mérité à une icône du métal, du rock, voire même de la musique, puisque on a célébré déjà les 10 ans de la disparition de Lemmy Kilmister, le leader de Motorhead, qui nous a quitté donc le 28 décembre 2015, déjà, comme le temps passe vite quand même. Et Motorhead a laissé quand même une marque indélébile en ce qui concerne le métal. Ça a été comme le premier groupe, en fait, à réunir sous la même chapelle les fans de rock, de punk, de métal, et j'en passe, et des meilleurs. Et sans lui, je pense qu'il y a plein de choses qui n'auraient pas existé. Le thrash metal n'aurait jamais existé. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, bref, c'est une icône reconnue, encore pour très longtemps. Alors, quel morceau se mettre faire un hommage qui vaut le coup? Compliqué, vu la discographie. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas un extrait de l'album Sacrifice, qui était sorti en 95, justement pour les 20 ans du groupe. Ce serait pas mal pour faire un petit peu la jonction de tout ça. Et qu'est-ce qu'on va se mettre? Le morceau Sacrifice. Tiens, pour la petite histoire aussi, 95, c'est la première année aussi où j'ai vu Motorhead. Et croyez-moi sur parole, j'ai mis 8 jours à retrouver toutes mes facultés auditives, tellement le volume était assourdissant. C'était pas une légende, ça, croyez-moi. Eh ben, Sacrifice de Sacrifice, en hommage à ce grand monsieur qui de là-haut va entendre, je pense, le ramdam qu'on va faire ce soir là. We'll be right back. putain, c'est bon. Ah, la vache. Whiplash, et oui, quand le maître rend hommage aux disciples, voilà, c'était donc, vous avez reconnu le classique de Metallica, Whiplash, extrait donc de l'album Hommage, No Life Till Laser, Tribute to Metallica, Skill Em All. Et c'était, bah, évidemment, Motorhead, donc là, qui rendait hommage, donc, à son disciple le plus futé. Et juste avant, bah, c'était également Motorhead avec un extrait de son album Sacrifice qui était sorti en 1995 pour les 20 ans de la création du groupe. Là, donc Lemmy, ça c'est quelqu'un qu'on n'oubliera jamais et qui revient régulièrement d'ailleurs dans Electric Shock. C'est clair que bah, Motorhead, moi ça fait partie de mes groupes préférés. On change de style là maintenant. Allez, on va passer à quelque chose d'un peu plus cool et avec ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière. Et ça, c'est un cadeau pour vous, auditeurs d'Electric Shock, car cet album, vous ne le trouverez pas dans le commerce. C'est le live du fan club de Marillion, que tous les ans, Marillion, donc tous les membres du fan club, ils envoient toujours un CD exclusif, consacré souvent soit des morceaux, des mots, des lives, des DVD, toujours des choses assez intéressantes. Et là, pour cette année, on a eu droit à un extrait d'un concert enregistré en novembre 2023 à Londres, à la célèbre salle de Roundhouse. Et pour ce soir, dans les morceaux qu'il y a dessus, je me suis dit, tiens, un petit extrait du sublime Afraid of Sunlight, par exemple Behind You, ça va le faire, je pense. This is a song from our Afraid of Sunlight album. It's called Beyond You. If you were a baby, I could take you home. I could hide you in the folds of my heart. But there's a truth in the madness that I can't get beyond. And the fever that won't And the feeling that comes in waves, a hole in my body aching like a heart dying or a soul crying, exhausted and insecure. Took all you have and I still want more. Magnifique, ce groupe me file toujours la chair de poule, ça c'est vraiment, voilà, indescriptible. Donc c'était Marillion avec le sublime Behind You, extrait donc de l'album Live at the Roundhouse, et ça c'est un petit cadeau pour vous auditeurs, parce que cet album vous ne le trouverez pas dans le commerce, donc cadeau, j'espère que vous avez apprécié. Il est déjà 19h45 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, et oui c'est bien Electric Shock, la dernière de l'année Electric Shock, donc c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Et bien maintenant, tiens, passons à la deuxième nouveauté. Pour ça, allons faire un petit tour en Belgique, découvrir le groupe Through the Void. Alors, Through the Void donc, existe depuis 2018. Et c'est un groupe de... des groupes montants de la nouvelle scène new metalcore européenne. Je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour s'imposer dans cette scène qui est quand même, il faut le reconnaître, assez chargée quand même. Alors c'est déjà leur troisième EP, celui-ci s'appelle All the Worlds, il est sorti début décembre. Et on va découvrir tout de suite à quoi ça ressemble avec le morceau Silent Cry. petit tour en Suisse avec le premier EP de Divine Prophecy. On s'est écouté Redemption. Juste avant, petit tour en Belgique par contre avec Through the Void et leur nouvel EP All the Words et le morceau donc Silence Cries. Donc c'était donc la deuxième nouveauté donc de la soirée. Et on va bientôt attaquer la deuxième heure. Bah tiens, on va faire un petit tour maintenant du côté de Sheffield en 2023 où Def Leppard donc chez eux en profitait donc pour enregistrer et filmer un de leurs concerts. Toujours est-il assez grandiose. Et Def Leppard bah, sera en concert à Paris, à Bercy, l'Accor Arena Hotel, début juillet prochain. Et avouez que ça fait quand même un bail, parce que la dernière fois qu'ils étaient venus jouer en France dans une salle, c'était en 1996. Eh oui, bon, entre-temps, il y a eu deux Hellfest, un en 2013 et en 2023. Et c'est quand même assez rare de les voir dans nos contrées. Donc, si vous aimez le groupe, je pense que les places, d'ailleurs, ça doit partir assez vite. On va faire donc deux petits extraits de ce Diamond Star Heroes Live from Sheffield, puisque c'est le nom de cet opus, avec d'abord un de leurs grands classiques, extrait du fabuleux Hysteria, c'est Armageddonite. Don't want Extrait du live de Def Leppard, Diamond Star Heroes Live from Sheffield, à l'instant Kick, qui est extrait donc du dernier album studio sorti en 2022 déjà, qui s'appelait donc Diamond Star Heroes, et le classique Armageddon Hit que tout le monde connaît. Voilà. Une nouveauté? Bah tiens, ouais, on va se faire la troisième donc de la soirée. Pour ça, on va faire un petit tour dans les Hautes-Alpes, dans la ville d'Embrun, découvrir le groupe Dark Rose. Alors Dark Rose, c'est un groupe de 5 musiciens et musiciennes qui existe depuis donc 2022 et qui viennent simplement de sortir donc leur premier album là au mois de novembre dernier qui s'appelle What's Next. Alors c'est du rock mélodique mais quand même très péchu comme vous allez pouvoir le constater. On va s'écouter quoi? Le morceau qui donne son titre à l'album tout simplement. revolution. Time has gone too far. I'm a strange creature between hurt and pain. Time has gone too far. Extrait donc de Insight, le deuxième album de Face in Agony, groupe qui nous vient de Grenoble, et comprenant donc l'ancienne chanteuse de Nightmare, quand même, excusez du peu. Juste avant, bah, ils sont pas très loin non plus de Face in Agony, puisqu'ils nous viennent des Hautes-Alpes, le groupe Dark Rose qu'on vient de découvrir, puisqu'il s'agissait d'une nouveauté, donc la troisième de la soirée, avec le morceau What's Next, donc qui donnait son titre à leur premier album. On va continuer avec une légende du hard rock qui fête son 60e anniversaire. Et oui, tout à l'heure, on a eu les 40 ans de Dream Theater, là c'est les 60 ans de Scorpion. Et Scorpion, donc, ils nous sont revenus avec un live de leur tournée Souvenir. Tournée d'ailleurs qui continue donc l'année prochaine, puisqu'ils seront, je crois que c'est au mois de juin d'ailleurs, à Bercy, pardon. Je veux toujours que ce soit toujours Bercy, l'Accor Arena Hotel. Et sur ce live, d'où figure bien sûr la plupart des grands classiques du groupe, la plupart post-1979, mais figure aussi, je pense nostalgie oblige, un petit medley consacré aux années 70 qui avait disparu ses dernières tournées et là qui est revenu donc dans la setlist et ça fait toujours plaisir à réentendre. Donc extrait du Coming Home Live, un petit extrait des 70s. Bah je vous laisse deviner les titres. We'll be right back. Plaisir de rentendre ces vieux morceaux complètement oubliés des setlists de Scorpion quand même. Mais là, pour leur 60e anniversaire, c'était le moindre des choses qu'ils réapparaissent quand même. Donc, extrait donc du Coming Home Live. C'était donc le 70s medley. Comprenez donc des petits extraits de Top of the Bill, Steam Rock Fever, Speed is Coming, Catch Your Train. C'est-à-dire, pour la petite histoire, sachez que, je sais que j'aime bien vous raconter ma vie. Ben, en ce moment, j'ai ressorti des étagères Virgin Killer in Trance que j'écoute avec délectation. C'est vrai que c'est de super albums. Et franchement, je trouve que ça pas si mal vieilli que ça du tout. On se fait une nouveauté, la dernière de la soirée? Eh ben, pour ça, allons faire un petit tour du côté de Brooklyn à New York. Découvrir un groupe, qu'on entend beaucoup parler en ce moment dans l'underground, c'est Castle Rat. Alors, Castle Rat, quand on voit leur look, on pourrait croire presque une plaisanterie, digne de Manowar. Il faut dire que la chanteuse a un look, on dirait Red Sonja, et ses acolytes n'ont rien à lui envier. Puis en plus, les surnoms qu'ils se sont donnés, quand même excusez du peu, puisque la chanteuse guitariste se fait appeler The Rat Queen, le guitariste soliste c'est The Count avec un, on dirait un peu Dracula, The Plague Doctor c'est le bassiste, The Druid c'est le nom du batteur. Et tout ça, en fait, c'est parodique. D'ailleurs, sur scène, ils délivrent un spectacle, on va dire. Amusant. Par contre, musicalement, c'est très hard rock années 80 et ça le fait vraiment très très bien. Comme quoi, si on se rapproche juste avec l'image, on aurait juste envie de rigoler. Et puis, en fin de compte, ça le fait. Et le groupe donc existe depuis 2019 et c'est déjà leur deuxième album puisque ils n'ont pas perdu de temps puisque le premier était sorti l'année dernière et là celui-ci est donc est sorti cet été. Et il s'appelle The Bestiaries. Pareil, la pochette aussi vaut son pesant de cacahuètes. On voit la chanteuse qui est assise sur une licorne avec un prêtre en train de la bénir. Enfin voilà, voilà pour la petite histoire. Bon, c'est vrai que là, on peut pas regarder puisqu'on est à la radio. Par contre, écoutons, extrait de cet album, le morceau Siren. Across the silence, rolling through me. pur métal avec Damon Tool et leur nouvel album La Valse des âmes, c'était la pandémie. Et juste avant ça aussi, c'était du pur métal made in New York avec Castle Rat et leur deuxième album The Bestiary. Et on a écouté le morceau Sirens et c'était également la dernière nouveauté de la soirée. Et déjà, il est 20h34 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, c'est bien Electric Shock et Electric Shock donc jusqu'à 19h comme tous les mardis soirs. Eh bien, la suite, on va faire pareil du heavy metal avec un groupe, un anachronisme quelque part, avec le retour de Wings of Steel, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on n'avait pas passé non plus. C'est pareil, le nom du groupe est presque un cliché à lui tout seul. Par contre, musicalement, waouh, on peut dire que c'est vraiment du très très beau, du cousu sur mesure. Un mélange de Whitesnake et de Queensryche du début. Et je pense que si ce groupe-là était né 40 ans plus tôt, dans les années 80, il aurait vendu des millions d'albums, c'est clair. Mais malgré tout, nostalgie oblige peut-être, ils arrivent à se tailler vraiment un petit succès quand même, qui est quand même bien mérité. Allez, on va se faire un petit extrait de cet album fabuleux qui s'appelle Winds of Time. Et on va écouter le morceau We Rise. Wings of Time, ça c'est le titre du deuxième album de Wings of Steel, et We Rise, c'est le morceau donc qu'on vient de s'écouter à l'instant. Et ben maintenant, allons faire un petit bond dans le temps. Retrouvons-nous 50 ans en arrière à Los Angeles au Forum le 17 juin de cette année-là, où Alice Cooper donc performait pour jouer son album mythique qui était Welcome to My Nightmare. Album joué dans sa quasi-intégralité pendant cette tournée. Et ce live, sorti donc des archives, et vient de sortir, là, il y a quoi, un mois, à tout casser. On va se faire donc deux petits extraits de cet album mythique, conceptuel. On va d'abord faire Some Folks, extrait donc de ce live. We have to go back now. Isn't that our mom calling? Stephen! Stephen, come home! Stephen, come home! Just no good without it. Another man at all. Sun Falls, donc deux extraits du Welcome to My Nightmare Live at the Forum, Los Angeles, June 1775, du grand du génial Alice Cooper. Alors, on va se faire un petit truc un peu plus méchant maintenant. Bah tiens, on va revenir à le nouvel album de Elixir. J'insiste bien pour le H et les deux X, parce que si vous tapez Elixir Rock Band, vous allez en trouver je ne sais combien sous toutes les écritures possibles et imaginables. Et on va revenir à leur quatrième album, Behind the Frame. Donc, et on va écouter un petit morceau sympa qui s'appelle An Overview of the Great Beyond. Donc, mélange de trash, de black et de death. Du méchant, quoi. Oh, An Overview of the Great Beyond, extrait du quatrième album de Elixir, Beyond the Frame. Eh bien, normalement, il devrait être temps de se dire au revoir pour cette dernière émission de l'année. Mais non, amis Nightclubbers, vous ne retrouverez pas Christophe pour Electro Live cette année. Les vacances continuent pour lui, donc vous le retrouverez l'année prochaine en pleine forme. Donc, on va continuer à faire un petit dernier morceau. Allez, pour contrephaser Elixir, on va se passer quelque chose de beaucoup plus lyrique. Et pour ça, on va revenir à l'album Mortalis de Midnight Mares, groupe de métal symphonique. Et on va terminer l'année 2025 pour Electric Shock avec le morceau Totus Arteo. I Totus Ardeo, extrait donc de Mortalis de Midnight Mares. Voilà, donc c'était le dernier morceau pour Electric Shock pour ce soir et pour cette année 2025. Et bien, on se retrouve bien évidemment l'année prochaine sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bien sûr, entre 19h et 21h le mardi. Ça ne change pas, bien sûr, pour de nouvelles aventures métalliques. Eh bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon. Profitez-en bien, profitez bien de vos proches et de vos amis. Et d'écouter de la bonne musique, bien sûr. Et on se retrouve donc, je vous le disais, l'année prochaine. Ciao à tous, bonne bourre. Lisboa nos últimos meses. E por isso estão aqui também contentes com estas novas medidas implementadas.